I'm ready. Jésus me donne tout. Jésus me donne tout. Jésus me donne tout. Jésus m'a tout donné. Jésus me donne tout. Jésus me donne tout. Jésus me donne tout. Jésus m'a tout donné. I got the sky and the twilight. I got the sunlight and the rainbow in the sky. I got the seasons, the divine horizon. God is by my side. He dries the tears from my eyes. Jésus me donne tout. Jésus me donne tout. Jésus me donne tout. Jésus m'a tout donné. Jésus me donne tout. Jésus me donne tout. Jésus me donne tout. Jésus m'a tout donné. Il essuie mes larmes et purifie mon âme. Jésus m'a tout donné.